Ce soir, nous venons à vous avec une finale spéciale de 2 heures de notre série sur le web, sur Nouvelle Terre. Pendant 10 semaines, nous nous sommes tous retrouvés chaque lundi soir pour une communication mondiale. Cela a été vraiment tout à fait spécial. Une communication mondiale sur la conscience de la Grande-Bretagne à Hong Kong, en passant par la Russie et les 50 États-Unis d'Amérique. Je tiens encore à vous remercier tous de nous aider à créer cette Nouvelle Terre ici avec Eckhart Tolle et moi. Beaucoup d'entre vous ont écrit qu'ils voulaient que ce forum continue, donc à partir de lundi prochain, le 12 mai, j'espère que vous me rejoindrez pour le démarrage de mon émission The Soul Series sur le web, ici à Oprah.com. Pour la première fois, nous passerons nos sessions enregistrées de mon émission sur XM Radio. Nombre d'entre vous ne savaient pas que j'animais une émission de radio. Oui, je travaille la journée, je travaille la nuit, etc. C'est dans cette émission où je retrouve des enseignants spirituels et je fais cela depuis un certain temps déjà. Des enseignants spirituels, des penseurs et des érudits sur ce thème, mon sujet préféré, l'évolution de notre âme. Donc réservez le lundi à Oprah.com. Vous pouvez commencer à télécharger lundi prochain. Ce soir, c'est le dernier chapitre de Nouvelle Terre et avant de démarrer, commençons avec le silence. Un moment de silence. Maintenant, comme vous le savez, il vous faut mettre votre attention sur quelque chose pour trouver le calme. Il faut que l'attention s'éloigne de la dimension mentale. Ainsi, nous avons pratiqué jusque-là en mettant notre attention sur le ressenti intérieur de la vitalité de notre corps. Nous avons également mis notre attention, je crois, sur notre respiration et nous avons mis notre attention sur nos perceptions sensorielles, sur tout ce que nous pouvons voir et entendre à l'extérieur. Mais aujourd'hui, nous allons aller plus loin et je propose quelque chose d'un peu plus subtil. Au moment où nous commençons à faire silence, de mettre notre attention sur le fait d'être conscient. En d'autres termes, nous devenons conscients qu'il y a en nous une lumière. La lumière évoquée n'est qu'une métaphore, une présence, une conscience. Il s'agit de l'attention pure. Donc, au lieu d'être conscient de quelque chose, la respiration, le corps subtil ou les perceptions sensorielles, soyons simplement conscients que nous sommes conscients. Vous ressentez votre propre présence et vous devenez silencieux. Soyons conscients d'être conscients et devenons silencieux. C'était bon. Je pense que Dean, le manager, est devenu conscient. Il est conscient, n'est-ce pas, Dean? Les thèmes du chapitre 10 sont vraiment l'apogée, je pense, de ce qu'a été tout notre travail. Comment apporter de la conscience à chaque moment et à chaque action de notre vie et dans le processus d'apprentissage que nous sommes bien plus grands que ce que nous pouvions imaginer. Donc, nous allons commencer. Vous parlez du bref compte-rendu de votre vie en page 282. L'avènement du monde sous la forme manifestée et son retour au domaine du non-manifesté, autrement dit, son expansion et sa contraction. À la page précédente, vous parliez de l'expansion et contraction de l'univers. Ces deux mouvements se retrouvent dans l'univers tout entier de bien des façons. L'incessant mouvement de contraction et d'expansion du cœur, l'inspiration et l'expiration, le sommeil et la veille, chaque nuit sans le savoir. J'aime ça. Vous retournez vers la source. Avec un S majuscule, la source non manifestée de toute vie lorsque vous plongez dans la phase profonde et sans rêve du sommeil pour vous réveiller le matin rafraîchi. Ces deux mouvements, le voyage et le retour à la maison, se retrouvent également dans les cycles de vie de tous les humains. Vous arrivez, pour ainsi dire, de nulle part dans ce monde. Après la naissance, il y a une expansion, non seulement sur le plan physique, mais également sur le plan des connaissances, des activités, des possessions. C'est une période au cours de laquelle vous êtes principalement occupé à trouver votre raison d'être extérieure. La vie de chaque personne et toute forme de vie représente un monde, une façon unique dont l'univers fait l'expérience de lui-même. Et quand votre forme se dissout, un monde prend fin, un monde parmi tant d'autres. J'ai trouvé ça superbe. La vie de chaque personne et toute forme de vie représente un monde, une façon unique dont l'univers fait l'expérience de lui-même. Donc, nous sommes des manifestations de l'univers qui s'expérimentent lui-même en tant que chacun d'entre nous. Oui, et cela nous fait lâcher l'illusion qui vous laisse croire que vous n'êtes que cette petite personne limitée. À première vue, vous êtes cette personne avec un nom et une forme, mais au plus profond de votre être, vous êtes l'univers qui fait l'expérience de lui-même à travers la forme. Et cette simple pensée entraîne un petit changement dans la manière que vous vous percevez vous-même. Et les autres. Oui, oui. Nous sommes l'univers, ou la source de toute vie, ou le créateur, ou Dieu, peu importe le nom que vous choisissez, qui s'exprime lui-même dans notre forme particulière. Oui, dans cette forme et avec cette forme. Habituellement, les gens se perçoivent de cette façon, il y a moi et il y a l'univers, ou le monde, il y a moi et il y a le reste du monde. Mais vous êtes l'univers, vous êtes la vie unique. Nous ne sommes pas séparés. Non séparés. Oui. La vie de chaque personne et toute forme de vie représente un monde, une façon unique dont l'univers fait l'expérience de lui-même. Et quand votre forme se dissout, un monde prend fin, un monde parmi tant d'autres. Waouh, c'est réellement puissant. Donc parlons de l'éveil et du retour à la maison. Qu'est-ce que le retour à la maison dans la vie d'une personne ? En général, on commence avec le mouvement vers l'extérieur. En grandissant, en entrant dans l'adolescence et dans l'âge adulte, on construit progressivement sa vie. On acquiert des expériences, des connaissances, des possessions. Notre sphère d'influence s'élargit. C'est donc l'expansion. Il y a une croissance qui mène généralement à un certain âge. Cela varie d'une personne à l'autre. Sauf, j'en parle également, si l'esprit d'expansion est interrompu par un événement traumatisant. Nous pourrons y revenir un peu plus tard. Il y a donc l'expansion. Ensuite, quand la personne atteint un certain âge, il y a soudainement un mouvement différent. Son corps n'est plus aussi fort, il ne fonctionne plus aussi bien. Les gens autour d'elle commencent à mourir, ils atteignent un certain âge. Il y a donc cet autre mouvement qui, d'une certaine manière, arrive dans la vie et que nous pourrions appeler la dissolution de la forme. Cela se produit de façon progressive et dans notre culture, nous n'aimons pas en parler. C'est pourquoi la plupart des personnes âgées sont confinées dans des maisons de retraite. Nous les voyons rarement. Il faut qu'on aille dans les pays du tiers-monde pour voir vraiment la réalité de la vie humaine. Ce que c'est que de vieillir. Oui. Et non seulement nous en avons terriblement peur, mais il y a même du dédain. Donc nous faisons tout pour paraître plus jeune, tout pour avoir l'air plus jeune, plus jeune, plus jeune, plus jeune. Oui, oui. Maintenant, le mouvement du retour est également là où la dimension spirituelle peut se manifester dans votre vie de façon très forte, alors que s'étiole la forme à laquelle vous vous êtes peut-être identifié de nombreuses années, à savoir la forme physique et la forme de votre vie, ou les choses que vous avez fabriquées et avec lesquelles vous vous êtes identifié, votre travail, votre standing, votre profession, vos possessions. Quand tout cela commence à chanceler un peu, c'est souvent là où la dimension spirituelle a la possibilité d'entrer dans votre vie. C'est quand la solidité des formes extérieures commence à s'affaiblir. En Inde, par exemple, il y a toujours cette tradition, quand un homme atteint un certain âge, il se retire de la société. Parfois, même cela se fait moins de nos jours. Il quitte sa famille s'il la sait pourvu du nécessaire. Il s'en va et devient un mendiant solitaire ou un moine afin d'aller profondément à l'intérieur. mais vous n'avez pas besoin de faire cela. Tout ce dont nous avons besoin pour être conscients quand débute le mouvement du retour, quand commence à s'effondrer les formes avec lesquelles vous êtes identifiés, c'est une belle occasion pour le retour à la maison, pour le mouvement de retour à la spiritualité, de sorte que vous vous éveillez à votre propre conscience à la place de ce à quoi la conscience était identifiée et qui avait été votre vie jusque-là. Vous voulez dire la forme? La forme, oui. Et donc c'est une sorte de retour au sans-forme? Oui, mais en conscience. En conscience. C'est le retour conscient pour voir ce qu'est la source de mon être véritable. On pourrait dire, quand le monde commence à trembler, que vous retournez à la source de laquelle tout est advenu, laquelle est Dieu, ultimement, Dieu à l'intérieur, la source à l'intérieur. Il y a donc ces deux mouvements dans la vie d'une personne, maintenant, dans notre civilisation, toute la civilisation. Ces deux mouvements de sortie et de retour à la maison. Le mouvement vers l'extérieur et le mouvement du retour. Maintenant, notre civilisation n'est intéressée, semble-t-il, qu'au seul mouvement vers l'extérieur. Les gens ne s'intéressent qu'à l'accumulation, au développement des affaires, aux créations, à assurer leur propre avenir, au succès. Bien sûr, tout cela a sa place. C'est OK. Ce au sujet de quoi notre civilisation connaît très peu de choses, c'est le mouvement du retour. Vous dites, et puis un jour, vous aussi disparaissez. Votre fauteuil est encore là, à votre place, il y a juste le vide. Vous êtes retourné à l'endroit d'où vous étiez arrivé, quelques années plus tôt. La vie de chaque personne et toute forme de vie représente un monde, une façon unique dont l'univers fait l'expérience de lui-même. Et quand votre forme se dissout, un monde prend fin, un monde parmi tant d'autres. Dans la vie d'une personne, le mouvement de retour, de dégradation ou la dissolution de la forme, que ce soit avec l'âge, la maladie, l'infirmité, la perte ou tout autre malheur personnel, possède un grand potentiel sur le plan de l'éveil spirituel. C'est pourquoi vous dites que certaines personnes deviennent lumineuses en vieillissant. Oui. Et d'autres résistent au mouvement du retour. L'ego s'identifie au corps, décrépit, par exemple. Il en résulte des états intérieurs négatifs. Les gens vivent de la colère, deviennent amers, où ils se plaignent tout le temps, ils parlent sans arrêt du passé, ils résistent à ce qui arrive. Oui, car ils ne peuvent accepter, ils ne peuvent accepter. Il y a ces trois modalités dont nous allons parler, l'acceptation, le plaisir, l'enthousiasme. Oui, oui, l'acceptation intervient ici. À l'approche de la vieillesse, ça peut être magnifique si vous êtes ouvert à l'acceptation. Vous dites, page 286, parce qu'en vieillissant, l'accent passe du faire à l'être et que notre civilisation, perdue qu'elle est dans le faire, ne connaît rien de l'être. L'être, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quoi faire avec ça? Être, oui. Mais plus vous vieillissez, plus vous devenez conscient que l'être a plus de valeur pour vous que le faire. Oui, que faire, oui, oui. Et tout ce que nous dit Nouvelle Terre est que chacun réalise, peu importe son âge, que l'être a plus de valeur que le faire. Oui. Et ce n'est que l'être que vous amenez dans ce que vous faites qui est important. Oui. Et pour que cela se produise, vous n'avez pas besoin d'attendre la vieillesse. Vous pouvez en devenir conscient à tout âge. Votre façon d'interagir avec le monde est alors très différente. Oui. Page 287, quand l'ego n'est plus identifié au mouvement du retour, la vieillesse et l'approche de la mort deviennent ce qu'elles sont censées être, voire une ouverture sur le royaume de l'esprit. Et souvent, évidemment, vous n'avez pas besoin d'approcher la mort pour vous ouvrir au royaume de l'esprit. Comme tellement d'entre vous nous l'ont dit dans vos messages, c'est tout ce dont il est question dans ce livre, l'ouverture au royaume de l'esprit. Ok, vous dites dans Nouvelle Terre, sur la Nouvelle Terre, la vieillesse sera universellement reconnue, valorisée comme étant le moment de l'avènement de la conscience. Oui, d'une certaine manière, c'est quelque chose que nous avons perdu parce que c'était déjà là dans les cultures anciennes où la vieillesse était grandement honorée. Par exemple, pour les Indiens d'Amérique, comme une femme, quand une femme est appelée grand-mère, c'est un titre d'une grande distinction et tout le monde voue à la grand-mère un grand respect parce que la grand-mère incarne la sagesse. Outre la sagesse, elle incarne aussi l'ouverture au royaume de l'esprit. Les anciens d'une tribu incarnent cette ouverture au royaume de l'esprit. et avec ses personnes âgées, tout le monde peut connaître ce royaume. C'est donc tout à fait essentiel d'avoir cette possibilité. Nous l'avons perdue et nous allons maintenant la retrouver. Honorer la vieillesse au lieu de l'éviter. Il y a donc la grand-mère des Indiens d'Amérique, comme je le mentionne dans le livre, et dans notre civilisation, il y a la mamie. Au mieux, on dira que la mamie est gentille, mais il n'y a pas là de profondeur dans notre manière de la percevoir. Car nous ne l'honorons pas. Non. Dans notre civilisation, cette dimension a pratiquement disparu. La dimension de la profondeur, la dimension de l'esprit, la dimension du sacré, tout ce qui est si essentiel à la vie humaine. Et quelle sorte d'effet cela a-t-il sur nous, le fait de ne pas honorer cet âge et cela qui est sacré dans l'âge et la profondeur de cela? Quelle sorte d'effet cela a-t-il sur nous? Eh bien, ça veut dire que nous passons à côté de toute cette dimension qui est là, concernée, et toute notre vie devient complètement superficielle. Et quand la vie devient complètement superficielle, vous l'identifiez au mouvement superficiel de votre vie, et à cause de ce manque de profondeur, les gens deviennent très malheureux parce qu'ils ne s'arrêtent qu'à la surface de leur vie, à leur possession, au fait d'accomplir ceci ou cela, d'obtenir de la reconnaissance. Et de jouer des rôles. De jouer des rôles, l'ego. Et aussi ce que vous appelez en page 289, j'aime ça, la stupidité intelligente. Oui. Dites-nous ce que vous voulez dire par là. Eh bien, un exemple que je donne est la grande intelligence requise pour en arriver à la fission de l'atome. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ça? On fabrique une bombe atomique. On fait une arme destructrice à partir de quelque chose qui pouvait être magnifique. Donc, d'un côté, les humains semblent très intelligents, et de l'autre, ce qu'ils font très souvent de leur intelligence est tout à fait stupide. Elle devient destructrice. Oui, car c'est là que la stupidité intelligente intervient. Oui, et c'est parce que la dimension de l'esprit fait défaut, l'intelligence qui n'est pas connectée à la dimension plus profonde de la conscience, de l'esprit, appelez cela comme vous voulez, de l'être, oui, est très destructive. Tôt ou tard, elle devient destructive. Oui, j'aime ce que vous dites en page 290. Vous savez, j'ai lu le livre plusieurs fois maintenant. C'est pourquoi ce livre devrait être votre nouvelle lecture de l'été, car quand vous y revenez et le relisez à nouveau, vous trouvez des choses que vous n'aviez pas expérimentées la première fois, ou la seconde fois, ou la troisième fois. Voici ce que j'ai compris juste hier. Je le relisais une fois encore, ce chapitre. La combativité ou le stress sont des signes du retour de l'ego, tout comme le sont les réactions négatives aux obstacles. Donc chaque fois que vous rencontrez des obstacles dans votre vie, c'est parce que l'ego est au premier rang. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas dans sa vie des défis à relever. Mais si vous interprétez un défi tel un obstacle contre lequel il vous faut vous battre, ça indique que l'ego est là. Oui, page 290, la force qui meut le désir de l'ego se crée des ennemis par des réactions de forces opposées égales en intensité à d'autres égos. C'est ce qu'un ennemi est. Plus l'ego est fort, plus le sens de division entre les gens est fort aussi. Les seuls actes, c'est une de mes citations préférées, j'aime ça, les seuls. Voyez, je l'ai souligné trois fois. Les seuls actes qui n'entraînent pas de réaction d'opposition sont ceux qui visent le bien de tous. Oui, ici, vous ne vous séparez plus vous-même en disant « c'est à moi ». Dans tout ce que vous faites, vous considérez la totalité, le tout, et non plus seulement mes petits besoins. Comment est-ce que je m'organise avec la totalité? Ensuite, les actions karmiques qui créent la souffrance ne sont plus là. Oui. Ce faisant, nous apprenons que l'action, bien que nécessaire, est seulement un facteur secondaire dans la manifestation de notre réalité extérieure. Le facteur premier dans la création est la conscience, peu importe notre niveau d'activité. J'aime ça. Et la quantité d'efforts que nous fournissons, c'est notre état de conscience qui crée notre monde. S'il n'y a aucun changement sur le plan intérieur, même une infinité d'actions ne pourront faire la différence. Oui, en d'autres termes, ce que vous faites est toujours secondaire. Qui vous êtes est primordial. Et il ne s'agit pas de qui vous êtes aux yeux du monde, ni selon l'image que vous pourriez avoir de vous-même, mais de savoir si à l'intérieur de vous-même, vous êtes relié à cette dimension de l'esprit, de l'être, de la conscience. Vous le dites admirablement, page 294, ce n'est pas ce que vous faites qui amène votre destinée à s'accomplir, mais comment vous le faites. Oui. Ce n'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites. Et par là, vous voulez dire le niveau de présence ou de conscience que vous apportez à ce que vous faites. Oui, un autre aspect de cela, c'est savoir, quoi que vous fassiez à n'importe quel moment, qu'il s'agisse même de la chose la plus insignifiante, si vous agissez en étant présent, ou si votre action est un moyen pour une fin, si vous êtes davantage intéressé par quelques moments futurs. On pourrait prendre un exemple simple, vous êtes au restaurant et le serveur pose votre assiette sur la table de façon présente et consciente. Immédiatement, vous êtes touché par cela. Il peut arriver que vous ayez un serveur qui soit conscient. C'est vrai. Avec soin et attention, il ou elle pose l'assiette devant vous. En revanche, vous sentirez une énergie complètement différente dégagée par un serveur qui fait son boulot. Et que vraiment, vous devez vous focaliser sur vous-même. Oui, mais c'est ce que je te disais dans l'email. Ce n'est pas ton travail que de t'inquiéter de ce que les autres feront. Ton rôle est de t'occuper de toi-même avec toi-même. N'est-ce pas vrai? Oh oui, oui. Oui. Précisons une chose, il y a ce qu'Oprah appelle faire ses muscles spirituels et que j'ai appelé accroître le pouvoir de la présence. C'est la même chose. La présence augmente donc progressivement. En attendant, vous pouvez continuer de pratiquer même dans les situations difficiles. Parfois, cela peut marcher même si le muscle spirituel n'est pas encore très développé. Essayez simplement de vous rappeler que ce petit indicateur, cette question, puis-je accepter ce moment tel qu'il est? Et s'il se présente un moment sous la forme d'une personne odieuse, la question est, puis-je accepter cette personne odieuse à cet instant? Puis-je accepter cette personne odieuse à cet instant? Parce que, quoi qu'il arrive dans le moment présent, puis-je être l'espace pour cela? Oui, et si vous êtes capable de retirer votre ego de cela, si vous pouvez éloigner votre ego de ça, ça devient juste ce que c'est, ce que tu disais, Kim. Cela n'est qu'une autre situation. Si tu peux retirer ton ego ou ton ami, si elle peut retirer son ego de sorte que ça ne soit pas personnel. Non. Ce n'est pas personnel du tout. Donc, nous pouvons réellement voir ces défis comme des opportunités, des petits cadeaux pour grandir. Pas seulement ça, c'est le vrai chemin spirituel. Vous savez, nous avions discuté dans un cours précédent de chacun qui doit porter sa croix. Et la vérité est que quand vous êtes confronté à un patron odieux ou à des situations difficiles, là se trouve une opportunité de renforcer votre muscle spirituel. Oui. Ou de permettre à la présence de venir de telle façon que vous découvriez qui vous êtes au lieu de vous inquiéter de ce que l'autre personne fait. Oui. Donc, les gens difficiles ou contrôlés par leur ego ont une fonction spirituelle très importante dans ce monde. Pour finir, ils deviendront si malheureux qu'ils iront également au-delà de l'ego. Mais en attendant, ils représentent un matériel pratique pour les autres. C'est vrai, car si tout était toujours merveilleux tout le temps, vous n'auriez aucune pratique, aucun moyen de pratiquer. Il n'y aurait pas de progression. C'est une belle façon de le voir. Eh, j'aime ta maison, Kim. Je n'ai pas vu ta nouvelle maison, elle est bien. Non, je sais. Voyez mon chien. Ah, ça alors, tu as un chien, une cheminée, très cool. C'est très cool. On se reparle bientôt. Bye. Au revoir. Très bien. Intéressant, la pratique du muscle spirituel. Maintenant, remarquez, quand j'ai appelé mon ancien patron un couillon, vous avez dit, ce n'est pas qui il est. N'avez-vous jamais rencontré des gens odieux dans votre vie? Oh oui, j'ai rencontré des gens odieux. C'est une question de regard. N'avez-vous seulement que de l'amour pour eux? Non, pas nécessairement, non. Ok, très bien. Ok, c'est une question de quoi, vouliez-vous dire? La question est de savoir si l'on est capable de regarder à travers la couverture faite de l'ego ou du corps pesant de souffrance qui peut être très fort, si l'on est capable de passer outre, et c'est très difficile de décrire ce processus. Quand on ne juge pas mentalement la personne, quand on ne la catalogue pas, on sait bien qu'elle est odieuse, on sait cela. Oui. On sait encore que cette personne est contrôlée par l'ego. On le sait. Sans même en formuler un concept dans sa tête. Mais on sait également qu'au-delà, il y a un être qui est pur, qui est innocent et qui est aussi proche de Dieu que n'importe qui. Que n'importe qui. Donc, est-il possible de regarder à travers l'ego des gens ? Oui, mais Eckhart, vous ne devez pas toujours vouloir voir. Non, affaire il se peut que vous vouliez vous retirer. Et quand c'est possible, c'est souvent la meilleure chose à faire. C'est juste, car vous pouvez encore dire « Je vous bénis au niveau de votre être, mais je n'ai pas envie d'avoir affaire avec ce que vous me montrez maintenant. » Non, vous pouvez quitter un travail s'il est malsain. Si l'environnement est malsain, plus on est présent et plus on est certain de ce qui est à faire. De plus, et nous en avons parlé dans l'une des émissions, la conscientisation de ce que vous avez à faire émane d'un endroit puissant et paisible dès lors que vous êtes présent. Ainsi, quand vous quittez un emploi, vous ne partez pas en colère si votre décision émane de la présence. Vous partez, vous êtes en paix avec tout le monde et vous vous dites, c'est ça, je pars d'ici. Il y a là du pouvoir, mais non de la négativité, et c'est donc magnifique quand cela arrive. De dire j'en ai eu assez. J'en ai eu assez. Et cela vient de notre raison d'être intérieure, en tant qu'opposé à celle extérieure. Maintenant, il peut y avoir des situations que vous êtes forcé d'endurer pour une raison ou pour une autre. Prenons l'exemple extrême où vous vous retrouvez bloqué dans un ascenseur en panne. Et vous voici pour une heure dans l'ascenseur avec quelqu'un d'odieux. Pour une raison ou pour une autre, il arrive que des gens soient coincés avec d'autres sans pouvoir sortir de la situation, ou peut-être dans une cellule de prison. Pour beaucoup de gens, ils doivent garder leur travail, ou ils doivent gérer le fait d'avoir un patron odieux, comme Kimberly le disait à l'instant. Vous devez garder un travail, vous devez gagner un salaire pour vous-même et votre famille. Oui, et se pose là la question de l'acceptation de ce à quoi l'on est confronté sans tomber dans la réaction. Ni y résister. Ni y résister. J'ai agi de façon appropriée, car j'ai été dans cette situation pendant un temps assez long. J'étais littéralement dans l'acceptation et j'avais des amis qui disaient « Comment tu peux supporter ça? Comment peux-tu tolérer ?» Parce que je savais que cela aussi passerait. Les problèmes ne durent pas éternellement. Je n'allais pas rester là pour toujours. Oui, je me rappelle ce même point de vue chez votre amie Maria Shriver. Elle a écrit un livre où elle parle de certains de ses premiers chefs. Ils étaient horribles. Mais d'une manière ou d'une autre, elle pouvait se dire simplement « c'est comme c'est ». Elle savait aussi qu'elle n'allait pas rester là le reste de sa vie. En attendant, elle savait qu'elle avait besoin d'accepter la situation. C'est ce que j'ai besoin de faire. C'est juste. Kippy est une Américaine qui enseigne à des étudiants doués dans une école élémentaire de l'US Air Force près de Tokyo, au Japon. Elle nous Skype de chez elle avec un groupe de lecture qu'elle a démarré en entendant parler de nos cours sur le web. Comment dites-vous « hello » en japonais ? Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa. Moshi. Moshi. Moshi, moshi. Seulement au téléphone. Hello, Kippy. Commençons avec vous. Quelle est votre question? Ok. Eckhart, page 301. Vous avez écrit « L'enthousiasme est là quand vous prenez un profond plaisir à faire ce que vous faites et que vous avez aussi un but ou un projet. » Ma question est comment pouvons-nous avoir des buts ou des projets si nous devons rester toujours dans le moment présent? Bonne question. Oui. Oui. Merci. Eh bien, le but ou le projet est à l'intérieur de vous comme si c'était déjà une réalité. Et en fait, à un certain niveau, c'est déjà une réalité à l'intérieur de vous. Ainsi, un but qui est puissant quand vous êtes en contact avec votre propre pouvoir n'est pas un but que vous projetez vous-même mentalement en vous disant « j'aimerais réaliser ceci ou cela pour telle période à venir. J'ai besoin de cela, je veux ceci en vue de me combler moi-même. » Là, vous vous escrimez à atteindre tel but. Vous vous perdez vous-même, vous n'êtes pas présent. Mais si vous réalisez, quel que soit votre projet, qu'il est déjà une réalité en vous-même, prenons l'exemple du pouvoir du moment présent, bien avant que j'écrive le livre, je le voyais comme déjà là, d'une certaine manière, comme ayant déjà été écrit. J'avais donc l'impression que tout ce que je faisais en écrivant, c'était d'extérioriser ce qui était déjà là. J'avais ce sentiment intérieur fort que le livre existait déjà à l'intérieur de moi. Je le voyais comme étant déjà une réalité. Je n'essayais pas de parvenir à écrire un livre. Le livre était déjà là et tout ce que j'avais alors à faire était d'être ouvert à ce mouvement d'énergie provenant de l'intérieur afin de manifester ce qui était déjà là à un niveau plus profond. Et c'est pourquoi Jésus a dit, quand vous demandez quoi que ce soit, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le recevrez. Donc, croire que vous l'avez déjà reçu veut dire que cela doit déjà être une réalité en vous-même. Ainsi, vous ne partez pas du manque, de la pénurie, de l'indigence, car alors il n'y aurait aucun pouvoir derrière votre projet ou votre but. L'abondance est déjà votre point de départ. Le but est donc déjà une réalité à l'intérieur, vous vous sentez déjà comme si vous aviez la chose. C'est déjà une réalité et ce qu'elle vous fait ressentir est l'abondance qui est déjà là dans le moment présent. Là, vous ne vous perdez pas, vous êtes alors pleinement là en commençant à répondre à l'impulsion intérieure, vous le manifestez dans votre vie, dans le moment présent. Ce n'est donc pas une chose future en réalité, un but puissant quand vous visualisez. C'est un but puissant quand vous ne le visualisez pas en vue d'accomplir quelque chose à l'avenir, mais quand vous le visualisez pour manifester quelque chose qui est déjà en vous. Waouh, c'est puissant. Mais je peux comprendre pourquoi beaucoup de gens seraient dans la confusion avec ça, car comment accomplissez-vous quelque chose dans le futur? N'est-ce pas ce que vous dites aussi, Kippy? Comment accomplissez-vous quelque chose dans le futur? Par exemple, je veux être actrice, je sais qu'il y a beaucoup de gens au Woody Tree avec qui nous parlerons plus tard, des gens qui, vous savez, ont un job dans la journée, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est « je veux être une actrice ». C'est un but futur, je veux être un acteur ou une actrice, ou je veux travailler dans une grande société. Oui. Comment faites-vous pour ne pas maintenir cela en tant que projet pour vous-même? Vous pouvez le faire, mais ce que vous visualisez n'est pas vous dans un état futur. Le pouvoir qui est là à l'intérieur de vous et qui se manifestera à son heure dans le futur est déjà là. Contactez le pouvoir de... Que ressentiriez-vous si vous étiez déjà une actrice qui a du succès? Quel ressenti avez-vous à l'intérieur? Et d'où vient le pouvoir par lequel vous pouvez faire une différence dans la vie des gens en faisant quelque chose comme ça? Où réside ce pouvoir? Oui, car vous dites, au lieu de dire « je vais être une grande actrice », c'est plutôt « comment utiliser ce talent pour manifester les choses afin de permettre aux gens de se sentir d'une certaine façon ». Oui. Donc c'est déjà une réalité en vous et vous pouvez alors poser des actes en vue de sa réalisation. Mais cela repose sur l'abondance et non pas sur le manque. L'erreur consiste à ne pas trouver le lieu du pouvoir qui est dans le moment présent et à croire que quelque chose d'autre, quelque chose qui n'est pas dans le moment présent, va vous amener au lieu du pouvoir. Cela n'arrivera pas. Ok. Je viens de comprendre, Kippy. J'ai compris. Ce qu'il dit est que peu importe le but ou le projet que vous ayez, cela doit venir de l'être ou de la conscience. Et si cela vient du lieu de l'être ou de la conscience, et non pas comme un but extérieur que vous avez pour vous-même, je pense que c'est juste, n'est-ce pas? Si cela vient de l'être ou de la conscience, cela vient dans le monde à travers vous, plutôt que de votre désir de saisir quelque chose du monde en disant « c'est ce que je veux pour moi ». Et ainsi toutes les choses. Et je peux prendre mon exemple. J'ai toujours voulu faire exactement ce que je suis en train de faire ici avec vous tout ce soir. J'ai toujours ressenti cela profondément en moi, que c'était pour cela que j'étais faite. J'étais faite pour être un enseignant. J'étais censée utiliser la télévision comme plateforme pour aider les gens à mieux se connaître. Et sachant cela, le fait de le savoir profondément en moi, c'est ce qui a aidé à ce que ça devienne une réalité de cette façon. Au lieu de dire, vous savez, un jour je veux faire une émission sur le web qui sera vue par des millions de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois, oui. Que cela vient de l'intérieur de vous, il y a là un sentiment qui vient de la conscience en vous, l'être de vous-même qui dit, C'est ce que j'ai maintenant besoin de faire. Et c'est pourquoi vous disiez que l'important n'est pas ce que vous faites, c'est comment vous le faites. Et ce que vous faites n'a pas d'importance. Tout ce que vous faites doit être nourri par la conscience ou l'Esprit de Dieu. Autrement, cela n'a pas une vraie signification dans votre vie. Oui, et le lieu du pouvoir est dans le moment présent. La chose fondamentale est que vous ne pouvez contacter ce pouvoir que dans le moment présent. C'est juste. Donc, si vous n'êtes pas... Et donc, vous avez dit la semaine dernière, cela concerne ce pas-ci, ce pas aujourd'hui qui mène vers le pas suivant, et ensuite le pas suivant, et le pas suivant, le pas suivant, vous n'arriverez pas là-bas en pensant, laissez-moi... Et même si la vie vous donne à faire en ce moment quelque chose qui ne semble pas faire partie de ce que vous envisagez. Votre projet. Disons que vous travaillez dans un restaurant, mais que vous souhaitiez devenir un grand artiste. Il vous faut continuer d'honorer pleinement ce que vous faites dans l'instant. Parce que, d'une manière ou d'une autre, quelque chose peut arriver là. Ce que vous faites dans l'instant peut en faire partie. C'est ça. Car chaque pas vous mène vers la direction. Ce sont les moyens et non la fin qui compte. Oui. Ce sont les moyens et non la fin. Oui, excellent. Vous suivez cela, n'est-ce pas, Kip? Oui, merci. Quelqu'un d'autre veut-il dire quelque chose là-bas? Hello, mesdames. Hello, Oprah. Quelle heure est-il maintenant à Tokyo? C'est un autre jour déjà? Oui, déjà, nous sommes mardi. 10h. Mardi matin. Oh, eh bien, à Tokyo, on est demain, on n'est pas dans le moment présent. Et carte plaisante. Et vous aurez un temps magnifique demain. Oh, ok. Tokyo, c'est demain, ce n'est pas le moment présent. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Wow, c'est intéressant, car tout revient toujours à ce même point, à la présence, l'être, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, peu importe le nom que vous choisissez de donner, car cela n'a pas d'ego, et donc n'est pas attaché au nom. Et cela, quand vous l'amenez dans votre vie, il nourrit tout ce que vous faites. Et comme vous disiez la semaine dernière, l'impulsion évolutive de l'univers jaillit pour vous rencontrer. Oui, oui. Oui, il y a donc une question simple à vous poser à vous-même. Suis-je OK avec le moment présent? Il vous faut être profondément OK avec le moment présent si vous voulez trouver le pouvoir du moment présent. Lequel est votre propre pouvoir, le pouvoir de l'univers ou le pouvoir de Dieu? Suis-je OK? Si vous n'êtes pas OK avec le moment présent, disons que vous travaillez dans un restaurant et quand vous y êtes, vous préféreriez être ailleurs, là où vous n'êtes pas doté de pouvoir. Là, vous n'êtes pas doté de pouvoir. Vous pouvez être investi de pouvoir tout en travaillant dans un restaurant. Le but de certaines personnes est de travailler dans un restaurant et de propager la présence à travers tout ce qu'elles font au bénéfice des gens qu'elles rencontrent là, et c'est magnifique. Et ce que vous dites dans ce livre est tout ce que vous faites, où que vous le fassiez, tout ce que vous faites peut avoir une profonde signification et raison d'être en elle-même et pour le reste du monde si vous y amenez la présence. Oui, oui. Et nous avons tous rencontré ça, la différence entre les gens, qu'ils soient serveurs, à la caisse, etc. Oui, dans tout ça. Dans chacune de nos situations de vie. Ok, Elzbieta nous rejoint de Pologne. Ai-je prononcé votre nom correctement ce soir? Très bien, oui, Elzbieta, qui a téléchargé toutes les émissions. Hello? Est-ce Jean Dobré? Pouvez-vous m'entendre? Oui, je peux. Fantastique. Je veux vous remercier tous les deux pour ce webcast extraordinaire, le plus grand club de lecture que j'ai jamais vu. Eh bien, merci. Quelle est votre question? J'aimerais demander à Eckhart de commenter une certaine citation du philosophe Alan Watts, si je peux. Oui, je vous en prie, allez-y. Après, j'aurai également une question, si c'est possible. Allez-y, ok. C'est une situation tirée du livre sur le tabou contre le fait de connaître qui vous êtes. Le tabou le plus fort de tous les tabous connus est celui contre le fait de connaître ce que vous êtes réellement derrière le masque de votre ego, apparemment séparé, indépendant et isolé. Pouvez-vous, s'il vous plaît, commenter cela? Eh bien, ça n'est pas un tabou, on n'appelle pas ça un tabou. Notre civilisation ignore cette dimension. Dans une large mesure, notre civilisation continue d'être dirigée par l'ego. Et l'ego ne veut rien savoir de la dimension plus profonde de l'esprit. Il se sent menacé par cela. L'ego aime peut-être avoir une idéologie et la qualifier de spirituelle, avec un système de croyances rigide qu'il dit spirituel et auquel il s'identifie. Il déclare comme ennemi ou comme étant néfaste les gens qui sont en désaccord avec son système de croyances. L'ego se sent donc menacé par la dimension spirituelle qui habite l'être humain. Et inconsciemment, il fera n'importe quoi pour saboter l'avènement de la dimension spirituelle dans notre culture, dans la civilisation et chez les êtres humains. Vous voyez donc ces réactions inconscientes. Certaines personnes disent que ce que nous faisons est néfaste. Ce sont des réactions inconscientes de l'ego pour se propager lui-même, pour se protéger lui-même. Wow. Vous voulez dire que certaines personnes disent ce que nous faisons ici est néfaste? Oui, oui, je ne sais pas comment cela est possible, parce qu'amener les gens à une plus grande présence et à une façon paisible de vivre, comment cela pourrait être néfaste? Je ne sais pas, mais ils retournent ça dans leur tête, à leur convenance, d'une manière ou d'une autre. C'est un tabou implicite. Il n'y a pas de loi contre la spiritualité, mais le tabou est implicite. Il est sous la surface des choses et il a été créé par les civilisations égoïques que nous habitons. Merci. Oui, cela est très clair pour moi aussi. Mais je pense que bien qu'Alan Watts l'a écrit il y a peut-être 30 ou 40 ans, cela sonne vrai encore malheureusement. Donc, ma question est en fait, pour ceux qui interprètent mal vos enseignements, pourriez-vous clarifier? Considérez-vous votre enseignement comme étant une religion? Certainement pas. Ce n'est pas une religion, c'est spirituel. Cela veut dire que la vérité de cet enseignement est applicable à toute religion ou en l'absence de religion. L'enseignement est spirituel en essence. Il n'est pas basé sur des systèmes de croyances, il n'est pas basé sur des pensées, il est basé sur le fait de devenir présent et calme, silencieux, et que vous soyez musulman, chrétien, bouddhiste ou athée. Vous pouvez l'appliquer dans votre vie. La transformation de la conscience ne dépend pas de votre système de croyance. Mais il est bien sûr possible, si vous avez un système de croyance rigide, qu'il puisse vous empêcher de... Votre système de croyance peut saboter la transformation. Mais la transformation ne dépend pas de quelque système de croyance que vous pouvez avoir. Certains systèmes de croyance sont si rigides qu'ils peuvent constituer un obstacle. Que dites-vous à ces gens néanmoins? Je veux dire, je pense que c'était une des questions que quelqu'un a ce soir concernant d'autres personnes qui pensent que ce que vous avez écrit, ce que nous avons fait ici en communiquant avec les gens autour du monde sur ce que vous avez écrit est néfaste. Qu'est-ce que vous dites à ça? Bien, il est probable que la plupart de ces gens n'aient jamais regardé le livre. Et beaucoup d'entre eux n'ont jamais écouté les retransmissions Internet. Parce que s'ils lisaient vraiment quelques pages du livre, ils verraient qu'il n'y a absolument rien qui puisse être interprété comme néfaste. Comme néfaste. Merci Elbita. Merci beaucoup. Je suis absolument d'accord. Oprah, puis-je également partager un moment de révélation? Bien sûr, s'il vous plaît, partagez ça, oui. Cela ramènerait au premier chapitre, en page 12, où Eckhart écrit... La peur, la cupidité et la soif de pouvoir ne constituent pas le dysfonctionnement, mais qu'elles sont engendrées par ce dysfonctionnement. Ce dernier est une illusion collective profondément ancrée dans l'esprit de chaque être humain. Fin de citation. Il y a beaucoup de choses super dans le livre et il y a des révélations qui nous attendent presque à chaque page. Mais celle-là est très importante, je pense, car il me semble que c'est en voyant à travers l'illusion que l'on peut réellement se libérer de la peur, de la cupidité et de la soif du pouvoir, que j'ai bien peur que nous partageons tous. Merci Elbita, merci de partager cela directement de Pologne ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beth de Green Bay dans le Wisconsin qui avait envoyé un email et retenu mon attention il y a quelques semaines. Je pensais que ça serait bien de skyper avec elle pour ce dernier chapitre. Hello Beth. Hello. Pourquoi ne nous liriez-vous pas votre email? Ok, j'ai emailé cela. J'ai travaillé sur cela aussi passera et j'ai remarqué que c'est bien plus facile d'accepter cela dans ma propre situation de vie que pour la situation de vie du monde. Par exemple, je tolère difficilement que des adolescents se battent entre eux et se filment pour faire des vidéos sur Internet. Je ne peux excuser le fait que des filles de 13 ans soient mariées à des hommes bien plus âgés. Je ne peux simplement pas accepter que des êtres humains soient torturés et tués pour avoir une religion, une nationalité ou une couleur différente. Pourquoi est-ce tellement plus facile d'accepter ma vie que le reste du monde? Pourquoi je n'arrive pas à laisser tomber cette colère mondiale? Vous avez une colère mondiale? C'est le mot juste. Oui, ça convient bien. Mais j'allais dire que vous allez être en colère pour très longtemps encore si vous portez cela avec vous. Mais continuez. Ok, à un niveau personnel, dans votre propre vie, avez-vous déjà fait passer sur des gens autour de vous la colère que vous éprouviez personnellement? C'est très rarement que je me mette en colère contre quelqu'un d'autre maintenant. Le plus souvent, c'est avec mes enfants, mais cela fait partie du fait qu'ils grandissent. Je suis capable de voir pourquoi ils font ce qu'ils font et d'avoir de la compassion pour eux. C'est juste à une échelle plus large. Ah ok, compassion. C'est un mot important. Dans votre question, j'ai aussi noté le mot « excuser » qui pourrait être, dans votre esprit, synonyme d'accepter. « Excuser » signifie être ok avec tel ou tel comportement et l'acceptation, ça n'est pas ça. L'acceptation consiste à voir, à simplement voir ce qui est et à dire « c'est ce qui est dans l'instant ». C'est la manière dont ces humains se comportent. C'est ce qu'ils font dans l'instant. C'est ce qui est. Et peu importe ce que vous en pensez, comment vous allez juger cela, vous ne pouvez pas discuter le fait que c'est ce qui est. Et c'est tout ce qu'est l'acceptation. Elle ne signifie pas « c'est ok, je l'excuse, il n'y a rien de mal ici ». C'est en venir à une acceptation intérieure de l'état d'être, de la vie, de l'instant. Vous pouvez alors voir, une fois que vous acceptez ce qui est, vous voyez également, oui, que c'est une folie, vous voyez la folie. Vous pouvez accéder à un lieu de compassion en voyant que tous ces gens sont inconscients. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous pouvez alors voir le mal, je veux dire qu'il y a énormément de mal qui continue de se produire sur la planète, à savoir la souffrance que des humains infligent à d'autres humains, à d'autres formes de vie, à la planète elle-même, à la nature. Et vous pouvez voir toutes ces choses comme des manifestations de l'ignorance spirituelle, de l'inconscience, de l'ego collectif. Et donc, une fois que vous voyez cela, vous pouvez accéder à un espace de compassion pour ces gens qui continuent d'être contrôlés par l'ego et qui agissent de façon inconsciente. Et aussi, cela ne vient-il pas de cette formule concernant l'acceptation des choses que vous ne pouvez changer, changer les choses que vous pouvez et avoir la sagesse pour faire la différence? Et la vérité de tout ce que nous avons dit ces deux dernières semaines, Beth, pour vous et pour tous les autres, est que vous commencez à changer le monde en vous changeant vous-même d'abord. Et donc, la colère, nous mettons tous de l'énergie à l'extérieur dans le monde. Nous mettons tous de l'énergie dans le monde et vous élevez le niveau de conscience quand vous amenez de la conscience et de la présence à tout ce que vous faites. C'est comme ça que vous commencez à changer le monde, dans la pièce où vous êtes maintenant. Dans quelle pièce êtes-vous maintenant? C'est la chambre d'amis, on l'appelle le bureau. Ok, dans votre bureau, avec vos enfants et vos actions chaque jour, être moins en colère dans votre vie personnelle contribue à diffuser cela au reste du monde. Et personne ne voit ça comme important. Mais si chacun faisait cela, cela diminuerait. Oui, sur un plan invisible, on est relié à tous les autres humains. C'est ça. Et toute l'énergie que vous déployez contribue à cette vibration particulière du champ collectif d'énergie de l'humanité. C'est juste. Si c'est de la colère que vous émettez, elle se connecte à toute la colère collective qui circule autour de la planète et qui est immense. Elle se connecte à la colère collective et elle la nourrit. Oui, et donc pour chacun d'entre nous, il nous est demandé ce que nous pouvons accomplir. Je veux dire, je ressens ça chaque fois que je vais en Afrique, où il est facile d'être submergé par tous les énormes problèmes rencontrés dans ce continent. Vous êtes facilement submergé, et donc la chose à faire est de se focaliser sur ce que vous pouvez changer, ce sur quoi avoir un impact et le faire aussi bien que vous le pouvez. Oui. C'est peut-être une petite chose, une chose qui peut sembler insignifiante, elle peut pourtant produire un changement là. Mais tout est important en fonction de la présence que vous y apportez. C'est juste, oui. Bess, j'entends que vous avez fait de grands changements depuis que vous avez lu Nouvelle Terre. Racontez-moi. Oh oui, en fait, j'ai commencé Nouvelle Terre après le décès de ma grand-mère en janvier. Mais certaines choses se sont produites en parallèle que je ne comprenais pas. J'ai quitté un travail qui n'était pas très bon pour moi en novembre. J'ai pu alors passer plus de temps avec ma grand-mère. Et nous nous sommes toutes les deux préparées pour son départ. J'ai arrêté de fumer, j'ai commencé à courir, je mange de la nourriture saine, je ne sais même plus vraiment qui je suis maintenant. Et c'est une bonne chose, oui. C'est une bonne chose. Mais je pense que le mot clé ici est ce qu'Eckhart disait tout à l'heure. Accepter ce qui se passe dans le monde n'est pas la même chose que de l'excuser, car il y a beaucoup de choses terribles qui se passent dans le monde. Non, je sais, et je ne sais pas si c'est parce que j'ai été une mère si longtemps, mais j'ai juste envie parfois de protéger certaines personnes. Et je ne sais pas si c'est une expression de mon propre ego, mais je ne ressens pas que c'est mon ego. C'est comme, vous savez, vous ne méritez pas cela, vous méritez d'avoir une meilleure vie, vous avez 13, 14 ans, ce n'est pas le moment pour vous d'avoir un enfant. Vous parlez des histoires de polygamie dont on parle en ce moment, oui. Oui, ok, ce n'est pas vos affaires maintenant, Bess. Vos affaires, c'est ce qui se passe dans votre maison maintenant. Oui, et je suis heureuse d'entendre Eckhart dire que les grand-mères seront respectées parce que je serai aussi grand-mère en juillet. Eh bien, je ne sais pas si elles seront respectées en juillet, mais on y travaille. On y travaille. Ok. Merci pour cet email. Merci beaucoup. Merci. Je pense que nous avons du travail à faire si nous voulons avoir... Si l'on veut que les personnes âgées soient respectées en juillet, on va être occupé. Nous devons vendre plus de livres. Merci, Bess. Nous avons un appel de France. Michel vit à Paris et elle a une question. Oui, hello, Oprah et Eckhart. On dit bonjour ou bonsoir. En fait, j'ai un million de questions, mais je ne vais en poser qu'une. Une qui m'a longtemps posé un problème et je pense que je peux la résumer avec une citation de la Bible. Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour le riche d'entrer au royaume des cieux. Et personnellement, je vois le riche comme quelqu'un plein d'ego et de mental qui ne peut jamais avoir la conscience. Et cela me concerne parce que j'ai un mental très fort et actif et c'est mon plus grand capital, peut-être. Mais c'est aussi mon talon d'Achille. Et quand j'arrive à atteindre un lieu de paix ou d'éveil, mon mental veut participer. Il veut s'approprier l'expérience et à un certain point, il réussit toujours à donner une forme à l'expérience, à en faire un concept, en essayant de la comprendre, de la relier à des expériences passées. Et vous parlez de cet espace entre l'ego et la conscience et j'ai besoin de développer cet espace. J'ai besoin de pouvoir revenir à mon mental et c'est très difficile parce que j'ai le mental qui est aussi très rusé. Et me dupe, même en me faisant croire que je suis vraiment dans cet espace. Que puis-je faire? Comment sortir de ce dilemme? Le mental ne peut pas reconnaître cet espace. Il ne connaît rien à ce sujet. Ça n'a pour lui aucun sens. D'après ce que vous dites, je peux voir que vous êtes déjà capable d'entrer dans cet espace. Combien de temps ça n'a pas d'importance. Mais vous êtes déjà capable d'avoir cet espace intérieur de quiétude et votre mental le nie presque, y résiste, certainement. Donc, tout d'abord, la reconnaissance que la chose la plus importante, qui est la première désidentification du processus mental, s'est déjà produite à l'intérieur de vous. Cette première désidentification du mental et la rencontre avec cette dimension de la présence ou de la quiétude à l'intérieur de vous, cela s'est déjà produit. Maintenant, cela ne convient pas au mental. Il ne veut pas aller là, il porte des jugements ou il déclare « il faut que j'interprète tout ça ». Tout ce dont vous avez besoin pour être là, au lieu de combattre le mental ou les processus de la pensée, c'est reconnaître les pensées qui émergent comme telles, comme seulement des pensées. Et c'est à partir de l'espace intérieur de la quiétude ou de la grandeur en vous que vous pouvez reconnaître les pensées qui surgissent en proclamant ceci ou cela au sujet de la quiétude, de ce qu'il serait mieux que vous fassiez ou de n'importe quoi d'autre. Vous reconnaissez qu'il ne s'agit que d'une pensée, que d'une autre pensée, etc. Et quand vous reconnaissez une pensée comme n'étant rien d'autre qu'une pensée, elle n'a plus ce pouvoir de capter complètement votre attention. Le problème n'est donc pas le fait que votre mental soit très développé, ça peut être bien utile à certains égards, si vous n'êtes pas identifié à lui, vous pouvez utiliser votre mental très développé en faveur de la conscience, en faveur de l'esprit, et c'est très bien. Mais ce faisant, vous n'êtes pas captivé par chaque pensée qui surgit, ni ne la combattez en disant « va-t'en, je veux être silencieuse ». Cela ne marche pas non plus. Vous reconnaissez... En le voyant comme une menace, je lui donne du pouvoir. Oui, oui. Vous reconnaissez le mental en tant que mental. Vous reconnaissez la pensée en tant que pensée. Vous pouvez alors choisir d'être présente en vous promenant dans la nature, par exemple, ou bien assise, seule, avec vous. Vous choisissez d'être présente et vous remarquez alors que le mental essaie de prendre la place de temps en temps pour faire ou dire quelque chose à son sujet, voir quelque chose de totalement différent en disant « tu devrais penser à autre chose de bien plus important ». Vous pouvez alors reconnaître chaque pensée comme une nouvelle pensée qui arrive. Vous pouvez même vous dire « ah, voici une nouvelle pensée ». Puis vous redevenez tranquille. Une autre pensée se présente « ah, une autre pensée ». Ainsi, à chaque pensée qui survient, vous ne donnez pas une telle importance qu'elle puisse vous attirer. C'est ce que veut faire le mental. Il veut toute votre attention, parce qu'il a eu toute votre attention depuis si longtemps. C'est donc un schéma mental habituel. Il veut prendre toute votre attention et tout ce que vous faites est de la lui retirer. Voilà le processus. Le mental n'est pas un ennemi. Vous ne vaincriez jamais le mental si vous en faisiez un ennemi. Le mental ressemble à un petit enfant agité, pourrait-on dire, ou à un jeune chien fou. Vous pouvez vous dire alors, « Oh, ça n'est rien, ça n'est pas une grosse affaire. » Oui, et alors que nous développons tous ici notre muscle spirituel, nous devenons de plus en plus conscients de notre conscience. Et vous voyez, quand les pensées sont justes, en train de jouer dans votre esprit, et je suis sûre que cela a déjà commencé à se produire pour vous, Michel. Vous venez de dire, « Oh, il y a une pensée, et là une autre pensée. » Je dois dire qu'après ces 10 semaines de cours, je suis devenue vraiment plus habile avec « Je penserai à cela plus tard. Je ne vais pas penser à cela maintenant. J'y penserai plus tard parce qu'il y a ici le moment présent. Je vais être présent à ce qui se passe maintenant. Donc, je gérerai cela plus tard quand je choisirai de consacrer du temps à cette chose particulière au lieu de laisser mes pensées diriger tout le temps. » Exactement, j'ai mis beaucoup d'autres efforts à essayer de maintenir mes pensées à distance. Les regarder pour ce qu'elles sont donc. Juste les regarder, les voir. Il y a une autre pensée et là encore une autre. Et l'effort devrait être de vous maintenir dans le moment présent où il est nécessaire d'être. Vous savez, mon mantra est « soit ici et maintenant, soit ici et maintenant ». Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Bonsoir. Ok, venons-en à ce que vous dites, l'alignement de votre raison d'être extérieure sur votre raison d'être intérieure, c'est ce dont nous avons parlé la semaine dernière. La raison d'être intérieure doit entretenir la raison d'être extérieure. Autrement, au bout du compte, ça ne marchera pas pour nous. Mais l'alignement de notre raison d'être extérieure sur notre raison d'être intérieure s'appelle l'action éveillée. Cette action éveillée est la prochaine étape dans l'évolution de la conscience sur notre planète. Il y a trois modalités de l'action éveillée, l'acceptation, le plaisir et l'enthousiasme. Page 295, vous écrivez: chacune d'elles correspond à une fréquence vibratoire précise de la conscience. Vous devez faire preuve de vigilance afin de vous assurer que l'une d'entre elles est en fonction chaque fois que vous faites quelque chose. Voici la clé. Qu'il s'agisse du geste le plus simple ou de l'action la plus complexe, si vous n'êtes pas dans l'acceptation, le plaisir ou l'enthousiasme, observez bien et vous constaterez que vous créez de la souffrance pour vous et pour les autres. Donc, expliquons chacun d'entre eux. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, je pense, avec Kipi. Non, c'était Bess. Concernant l'acceptation, que l'acceptation ne signifie pas excuser. Ça signifie « j'accepte ce moment pour ce qu'il est ». Oui, et alors que vous accomplissez quelque chose, vous serez étonné si vous devenez conscient de cela. Et observez les gens autour de vous. Combien d'entre eux sont constamment dans un état de disharmonie parce qu'ils ne peuvent être dans l'acceptation, le plaisir ou l'enthousiasme concernant ce qu'ils font. Vous prenez l'exemple dans le livre de changer un pneu crevé. Maintenant, vous n'avez pas à apprécier le fait de changer le pneu. Vous auriez atteint un autre niveau de conscience dans lequel vous apprécierez de faire ça. Et je suis sûr que vous pourriez. Vous pourriez peut-être le changer avec enthousiasme. Je vous le dirai si ça arrive. Ok. Mais vous n'avez pas à apprécier de faire ça. Mais au moins, vous pouvez accepter que le pneu soit crevé. Vous aurez une bien plus belle expérience au lieu de maudire le fait que vous avez un pneu crevé, ce que font la plupart des gens. Oui. La première fois que vous avez un pneu crevé, tout le monde dit « zut, un pneu crevé ». Et pire encore si c'est la nuit, dans le froid et sous une pluie battante. Donc il s'agit ensuite de vérifier à l'intérieur l'état de conscience que vous mettez dans votre action, quoi que vous fassiez. Quel est cet état de conscience intérieure? Dans quel état est-ce que je me trouve? Souvent, vous réaliserez que vous êtes dans un état du déni du moment présent. Donc, vous disiez à l'instant à Bess que l'acceptation, c'est juste dire ce qui est, est. C'est, et c'est ce que j'ai à faire dans l'instant, autant que je le fasse sans résistance. Et c'est la même chose que ça soit un pneu crevé, ou comme mon ami Kimberly disait avec la fille et son patron, mon patron est odieux. Oui. C'est ce qui est. Je ne changerai pas ça, donc trouvons comment gérer la situation. Oui. Et l'acceptation ne requiert vraiment pas d'être appliquée que dans le moment présent, si le chef est là, assis là, quoi qu'il dise. Puis-je à cet instant être capable d'accepter cela? Est-ce que je mets de l'acceptation là-dedans? Et nous parlons là plus particulièrement du cas où nous sommes en train d'accomplir une tâche. Et quel est le problème? Quelle est l'énergie qui imprègne le faire? C'est ça, c'est la question. Est-ce l'énergie du déni, de la négativité? Et quand vous avez développé un peu de sensibilité, vous pouvez très aisément dire, en observant les autres, si l'énergie qui circule à travers ce qu'ils font est contaminée par la négativité, ou si c'est davantage la présence ou la conscience qui circule. La différence qualitative est énorme. J'avais pris l'exemple du serveur. Comment est-ce qu'il pose l'assiette sur la table? Fait-il simplement un boulot qu'il est pressé de quitter, qui n'est qu'un gagne-pain, ou est-il en train d'honorer l'instant présent? Et en honorant ce moment, il vous honore. Il honore la vie. Et quelque chose passe dans le simple geste de poser l'assiette sur la table, pour ne prendre que ce petit exemple. Cela change également tout l'environnement autour de lui. Oui, j'ai eu cette expérience ce week-end. Je devais aller quelque part pour faire quelque chose et j'étais très contrariée avec moi-même car je n'ai pas su gérer mieux mon emploi du temps. Donc, je devais prendre un avion pour New York et mon programme commençait à 8h du matin et j'étais contrariée de n'avoir pu garder du temps pour moi-même car j'étais déjà épuisée. Et j'ai réalisé qu'il fallait que je change de fréquence. Autrement, je ne pouvais changer de perception quant à ma journée. J'allais affecter l'impact de tout ce que je ferais ce jour-là. Et en fait, je suis allée littéralement m'asseoir avec moi-même dans mon bureau jusqu'à ce que je puisse modifier mon attitude intérieure. Bon, je dois accepter le fait que je ne me suis pas occupée de moi, je ne me suis pas mieux organisée. Mon emploi du temps est maintenant surchargé, c'est ce qui est. Comment puis-je aller de l'avant en faisant de mon mieux avec ce contexte? Oui, car je commençais à m'énerver, vous savez, à chercher quelqu'un à qui m'en prendre. Et si vous n'aviez pas fait cela, l'énergie... J'ai réalisé que j'allais gâcher toute ma journée. Oui. Et tous ceux que je rencontrais allaient ressentir cela. Et tout ce que vous auriez fait n'aurait pas vraiment été réussi parce que la réussite dépend de l'énergie qui imprègne ce que vous faites. Ok. Et vous affectez également les autres avec cela. Et c'est pourquoi vous devez changer la modalité. Si vous n'êtes pas dans l'acceptation, dans le plaisir ou l'enthousiasme, vous devez arrêter ce que vous êtes en train de faire et travailler sur le fait de changer votre humeur avant de faire quoi que ce soit. Oui, acceptez ce que vous faites, ce qui est le premier point, ou bien ne le faites pas, retirez-vous, ne le faites pas, mais ne contribuez pas à la propagation de l'énergie négative ou de la souffrance dans ce monde. Je sais, mais la plupart des gens vont dire, j'en suis sûr, mais je dois le faire, j'ai une responsabilité, je dois le faire, même si je n'en ai pas envie. Eh bien, sachez alors qu'à ce moment-là, vous choisissez de créer du malheur pour vous-même et pour autrui. En sachant que tel est votre choix, cela pourrait bien changer. Parce qu'en fait, pour générer du malheur pour vous-même et pour autrui, par voie de conséquence, cela vous demande d'être inconscient. Mais en rendant conscient ce processus et en réalisant qu'à cet instant, en résistant à ce que je fais en réalité, c'est me créer de la souffrance. Et probablement aux gens autour de moi, tout autant. Ok, la raison pour laquelle vous en êtes arrivé à accepter vient de l'énergie que vous y amenez maintenant. Oui. Et la modalité suivante pour s'éveiller est le plaisir. C'est un cran au-dessus de l'acceptation. Oui, en tant que fréquence différente. Fréquence vibratoire. Fréquence vibratoire. Car tout concerne la fréquence vibratoire. Oui. Car les gens amènent de l'énergie à tout ce qu'ils font. Oui. Ok. Maintenant, le plaisir est une fréquence plus élevée. Les choses sont évidemment plus faciles à faire lorsqu'on est dans le plaisir. On pourrait presque dire qu'on les fait naturellement quand il y a le plaisir, par exemple, des choses qu'on aime faire. Oui, j'aime cette citation, Eckhart. En page 297, vous dites « Sur la nouvelle Terre, le plaisir remplacera le désir comme force de motivation. » Oui. Quand cela va-t-il se produire? Eh bien... Probablement pas le mois prochain, je pense. Eh bien, non pas dans le collectif, mais cela peut déjà se produire sur le plan individuel. Où nous faisons les choses parce que nous avons plaisir à les faire, et non parce que vous voulez plus, plus oui. Et toujours plus, car tellement de gens l'ont exprimé dans leurs messages et ailleurs, comment vous avez toujours plus et plus, et que vous voulez toujours plus, et que cela vous laisse avec un vide. Oui, en essayant de combler votre vie avec des choses, vous finissez par vous retrouver dans un espace vide et vous vous sentez complètement insatisfait. Avec rien. Et le désir est donc la chose habituelle qui se manifeste, qui provient de l'état égoïque, de rareté ou de manque, qui est toujours concerné quand l'ego prédomine. J'ai besoin de cela pour me combler, pour me satisfaire. J'ai besoin de réaliser ceci pour être pleinement moi-même. C'est l'attente sous-jacente. Oui, sous le désir. Et c'est l'ancienne énergie du désir. Vous partez donc avec ça et cela devient très stressant parce que vous essayez d'atteindre quelque chose. Toujours en essayant de fuir le moment présent pour la promesse d'une satisfaction plus grande le mois prochain. Le moment suivant jamais ne vient car dès qu'il est là, c'est à nouveau le moment présent. Et ce même moment que vous vouliez fuir. C'est complètement insensé mais c'est normal. Oui, ok, donc... Allez donc dans cet espace où vous pouvez aller avoir du plaisir avec les choses, car le plaisir amène quoi? Le plaisir amène un énorme pouvoir renforcé à ce que vous faites et il le pénètre. C'est le début de la créativité qui en résulte. Oui, quand le pouvoir créatif de l'univers devient conscient de lui-même, il se manifeste sous la forme de la joie. point besoin d'attendre que quelque chose de significatif se produise dans votre vie pour prendre plaisir à ce que vous faites. Il y a plus de sens dans la joie que ce dont vous n'aurez jamais besoin. Le syndrome qui veut que l'on attende pour commencer à vivre est une illusion des plus communes de l'état d'inconscience. C'est important parce que beaucoup de monde est piégé dans cette illusion. Les gens attendent que quelque chose vienne dans leur vie pour leur procurer enfin de la joie ou une sensation de vitalité. Ok, j'aime ce que vous écrivez ici, page 298. La joie ne vient pas de ce que vous faites, elle passe dans ce que vous faites et par conséquent rayonne dans le monde du plus profond de vous. Cette fausse perception est normale, mais elle est également dangereuse parce qu'elle crée la croyance que la joie est quelque chose que l'on retire d'une activité ou d'une chose. Les gens ne font-ils pas des choses qui leur apportent du plaisir? C'est ce qu'on dirait, mais il s'agit du même processus dont on a parlé tout à l'heure concernant la manifestation d'une chose à partir de l'intérieur. Le plaisir se trouve là. Elle émane de l'abondance de la vie que vous ressentez déjà en vous en cet instant. Ok, donc par exemple, j'ai vraiment aimé faire ces émissions. Oui. J'ai vraiment aimé faire ces émissions. Et d'où vient le plaisir? De l'intérieur de vous-même. Il ne provient pas de cette table, de ces lumières, des caméras, ni même... Cela ne vient-il pas de la communauté des gens qui nous ont rejoints? J'ai vraiment apprécié que tous ces gens nous aient rejoints. Mais la joie est en vous, et elle se propage. Elle touche tout le monde, même par le biais des caméras, elle peut toucher les gens et déclencher la joie en eux. Pouvez-vous tous ressentir ma joie? Oui, mais seulement en eux-mêmes. C'est donc leur propre joie. En ressentant votre joie, elles ressentent la leur, parce qu'elle est une. Oh, donc ils ne peuvent ressentir ma joie. Non, en fin de compte, il n'y a rien qu'on puisse évoquer comme étant ma joie. Il n'y a que la joie. Oh, c'est juste. C'est seulement notre joie. Oui, on pourrait le formuler comme ça. Oui. C'est notre joie collective. C'est exactement ce que je fais. Fausse perception est normale, mais elle est également dangereuse parce qu'elle crée la croyance que la joie est quelque chose que l'on retire d'une activité ou d'une chose. Alors après, vous cherchez à ce que le monde vous apporte la joie, le bonheur, mais le monde ne peut vous apporter cela. C'est pour cette raison que beaucoup de gens vivent constamment dans la frustration, car le monde ne peut leur donner ce dont ils estiment avoir besoin. Vous prendrez plaisir à n'importe quelle activité à laquelle vous serez totalement présent, à n'importe quelle activité ne représentant pas seulement un moyen pour arriver à une fin. Ce n'est pas le geste que vous posez auquel vous prenez plaisir, mais le profond sentiment de vitalité qui l'anime et qui ne fait qu'un avec ce que vous êtes. J'ai compris ça. Bon, je suis sûr que beaucoup de monde contacte cet espace à l'intérieur en regardant cette retransmission Internet. Ils vous regardent parler, ils me regardent parler, soudainement ils sentent cette sensation forte de vitalité à l'intérieur. Mais est-ce que la définition que nous donnons ici du plaisir est celle qui est ordinairement adoptée? Non, le plaisir... Généralement, le plaisir est envisagé comme étant la sensation que donne un objet extérieur qui vient de l'extérieur de soi. J'ai demandé cela car vous dites « Ceci veut dire que lorsque vous prenez plaisir à faire quelque chose, vous faites réellement l'expérience de la joie de l'être dans son aspect. Pour cette raison que tout ce que vous prenez plaisir à faire vous branche sur le pouvoir sous-jacent à toute création. Maintenant, vous voyez, j'ai lu ça et j'ai pensé... Et en ce qui concerne les gens qui ont plaisir à jouer de l'argent... C'est le plaisir retiré des choses extérieures. Ok, ou le sexe, ou le plaisir d'être sadique, ou de faire du mal aux autres. Oui, ou jouir des choses qui... Le pouvoir de la création ne soutient pas cela. Non, on appelle ça plaisir, mais il n'y a pas là de vraie joie. Ok. C'est être dépendant d'un plaisir, de quelque chose d'extérieur qui nourrit l'ego ou le corps de souffrance. Et le plaisir, par définition, signifie quelque chose qui me plaît. Qui serait l'ego. Oui. J'ai compris. Ok, allons à notre groupe d'études de Nouvelle Terre qui se retrouve chaque semaine depuis 10 semaines à Borders dans le Michigan. Bonsoir à tous à Chicago. Ne sommes-nous pas heureux? Oui. Je sais que des gens sont à la plage à 20 degrés. Mettons-nous en short, il fait 20 degrés ici. Merci beaucoup pour votre enthousiasme et pour votre participation. Nous avons parlé à Sharon durant une de nos émissions. Je pense que c'est vers le deuxième cours. Et Sharon est là maintenant. J'entends que vous allez faire de grands changements. Oui. Lesquels? Que s'est-il passé? Eh bien, tout comme Eckhart a été attiré en Californie pour écrire... Le pouvoir du moment présent. Le pouvoir du moment présent. Je suis allée sur idealist.org et j'ai juste décidé de me porter volontaire et quelqu'un m'a répondu. C'était la Hay aux Pays-Bas. Et je ressens que je dois le faire. Tout s'est organisé et je suis juste tirée dans cette direction. J'ai un prêt étudiant car j'ai 2 diplômes d'études supérieures, mais néanmoins, j'ai l'argent nécessaire pour faire cela. Vous savez, par le biais des lectures, des conversations que j'ai eues avec différents membres de ce club de lecture, j'ai réalisé, vous savez quoi, je veux réellement faire ça. Je veux absolument faire ça. Et quand je ne suis pas dans l'acceptation, je suis effrayée et je me dis, cela n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que je fais ça? J'ai été en Hollande il y a 2 semaines, je suis revenue la semaine dernière et j'ai une entrevue avec une personne avec qui je vais travailler. C'est un universitaire, il est dans une ONG et je suis en communication avec lui. En fait, je fais des recherches maintenant que je suis revenue. J'ai trouvé un appartement. Je serai là-bas pour quelques mois, vous savez, peut-être plus. Et comme je suis tirée dans cette direction et que je me sens encouragée à le faire et les choses se sont déroulées de telle façon que je peux vraiment me permettre de le faire, je me suis organisée. Tout s'est organisé, tout s'est mis en place. Oui, je suis choquée par cela. Quand j'y pense consciemment ou pas, je ne sais pas. Ce n'est pas ma vie. Cela ne m'est jamais arrivé auparavant. Mais quand je reviens dans le silence, à propos, il y avait Nick au Bodhi Tree. Et j'étais assise dans ma chambre en Hollande à pleurer. Pendant une semaine, je n'ai pu utiliser mon ordinateur car, bien sûr, j'ai pu l'utiliser le premier jour et ensuite, je n'avais plus de batterie et j'ai pu me débrouiller pour le dépanner avec. Et pourquoi pleuriez-vous par rapport à Nick? Parce qu'il parlait de ce que je ressentais. Vous étiez inquiète par rapport à vos factures? Et vous savez, oui, je me disais que c'était puissant ce dont Nick parlait. Je pense que tout le monde a été touché. Je veux dire, à chaque fois que, depuis le commentaire de Nick il y a 2 semaines et ce qu'Eckhart a dit à Nick concernant le fait de s'inquiéter, je n'ai pas eu le moindre souci depuis. Je pouvais y penser, oui, je peux y penser, je peux choisir de faire quelque chose par rapport à ceci ou cela, mais je n'ai pas à m'inquiéter. Je pense que cela est très puissant. Donc, vous êtes dans une situation, Sharon, où ce n'est pas la peine de remettre en question les choses qui se mettent en place, car c'est ce qui est supposé se produire. Et je dirais à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui que c'est ce qui se passe quand vous devenez plus conscient. Vous devenez assez conscient pour voir les choses qui se mettent en place, car quand vous avancez dans le monde inconsciemment, vous ne pouvez même pas voir les choses qui s'ajustent. Vous n'êtes pas disponible pour être témoin de l'alignement. Et donc, dès que vous vous éveillez, plus vous vous éveillez, plus les choses s'ajustent, vous évoluez, vous avancez avec le flot de votre vie. Oui, mais ici, c'est ce qui est passionnant. À chaque fois que je m'assois dans le silence, et vous savez, je pleurais et j'ai finalement pu continuer de regarder l'émission car j'ai pu emprunter une prise à quelqu'un d'autre dans l'hôtel. Les choses se sont ajustées à ce moment-là. Donc, ça a marché. Encore une fois, ça s'alignait. C'était super. Donc, je suis assise sur le lit et je pleure. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Et je vois Nick qui parle et j'ai éclaté de rire, bien sûr, et je suis certaine qu'ils m'ont entendu dans les autres chambres. Mais j'ai dit, waouh, c'est fantastique. Ce qui était clair après ça, c'est que j'ai éteint l'ordinateur, je me suis assise et j'ai dit, ok, reviens vers le silence, tu te sens étrange avec tout ça, tu ressens que tu ne le mérites pas maintenant, c'est vraiment ce que je ressentais. Je suis restée assise pour un moment et je me suis dit, sois juste avec ça, si c'est ce que je ressens, est-ce que ça va me tuer si je ne me sens pas bien maintenant? Après ça, je suis restée debout toute la nuit et j'ai juste souri en regardant le soleil se lever, j'ai rangé mes affaires lentement, je ressentais de la joie et j'ai ressenti de la joie jusqu'à maintenant en venant ici pour cette dernière émission car tout le monde va me manquer et j'ai réalisé que j'ai lâché prise. Je sais que je ne vais pas remettre ça en question maintenant. Oui, bien, merci beaucoup Sharon pour ce partage. Merci à vous tous à Borders pour votre engagement dans ce travail et à cette série d'émissions sur le web. Borders, applaudissez-vous là-bas. Puis-je dire encore une dernière chose, Oprah? À propos de ce groupe de personnes, je les aime tellement. Je veux dire à tous combien je les aime. Ça a été le meilleur groupe. Certains sont des enseignants et je suis leur cours. J'ai parlé à d'autres gens et j'ai appris tellement, pas seulement sur moi, mais sur tout le monde et je me sens tellement connectée avec chacun. Ça a été la plus belle expérience pour moi. Merci beaucoup pour tout ça. Merci. Merci à nos amis de Borders. N'est-ce pas tout ce dont il est question lorsqu'on s'éveille? Les choses commencent à s'écouler dans sa vie d'une façon différente. C'est ce qui est supposé se produire. Vous savez, vous parlez dans le livre des rencontres fortuites. Je ne pense pas que vous utilisez ce mot, mais les choses commencent à se produire simplement. Elles s'ajustent. Oui, oui, il faut que vous soyez là pour que cela arrive. Il faut que vous soyez là dans le moment présent, de sorte que la vie puisse travailler pour vous. Si vous niez la vie en niant le moment présent, la vie ne peut pas œuvrer. C'est comme quand les volets sont fermés, le soleil ne peut pas entrer. Le soleil n'en est pas affecté, mais pourquoi ne pas ouvrir les volets et laisser entrer le soleil? Il y a une chose étrange. Quand vous ne reniez plus le moment présent, non seulement vous voyez que tout se synchronise pour vous aider, mais plus de choses arrivent dans votre vie. Absolument. Pour plus d'aide encore. Et c'est donc merveilleux quand... L'impulsion évolutive de l'univers. Oui. Se lève pour vous rencontrer. Ce ne veut pas dire que vous ne serez plus jamais confronté à des défis. S'il vous faut adopter une certaine ligne de conduite, s'il vous faut aller d'un point à un autre en demeurant bien sûr conscient qu'il n'y a rien de plus important que chaque pas, chaque action de l'instant, vous aurez toujours à faire tout le parcours. Mais cela limite bien la peur. Oh oui. Cela limite bien la peur. Parce que vous savez que vous pouvez toujours amener de la présence à chaque instant et que vous serez OK. C'est ça. Et dès que vous êtes confronté à un défi, n'y résistez pas, mais venez-en immédiatement à l'acceptation de la nouvelle situation et voyez alors comment, très souvent, elle se transforme et devient même utile. C'est de la même façon qu'un maître en arts martiaux s'appuie toujours sur l'énergie adverse. Il ne se bat pas contre elle, il utilise l'énergie de l'adversaire, il la pénètre, il gagne en ne produisant pas d'efforts face à l'énergie qui lui arrive. En sachant comment s'y abandonner. En s'abandonnant, à l'énergie qui vient. Oui, absolument. Une question qui revient tout le temps est « Quel âge a Eckhart ?» Quel âge avez-vous ? Ce corps a 60 ans. Wow. Et pourquoi avez-vous dit « ce corps » ? Je ne sens pas que j'ai cet âge. Je veux dire que si l'on regarde à l'intérieur, personne ne ressent ça. Ce n'est que si vous identifiez au corps que vous croyez être d'un certain âge. La conscience que je suis est sans âge. La conscience que l'on est sans âge. Et je suis sûr que vous ressentez également qu'il y a à l'intérieur de vous une conscience qui n'a rien à voir avec l'âge du corps physique. C'est vrai. Est-ce que vous faites quelque chose pour votre peau? Non, ce sont toutes les questions que nous devons poser à la dixième leçon, car les gens disent que Eckhart a une peau tellement lumineuse. Faites-vous quelque chose de spécial pour votre peau, Eckhart? Bon, il y a là quelque chose que je dois reconnaître. En fait, je n'ai pas de problème de peau en général, je suis content de ma peau. Mais il y a ici une très bonne maquilleuse qui traite ma peau avant que je ne me présente à vous. Vraiment? Oui, Stella. Stella. Donc, vous avez comme un peu de fond de teint ou quelque chose, oui, quoi que ce soit, mais votre peau est si lisse. Mais ma peau est excellente, je veux dire, j'en suis content. Si on n'accumule pas trop de passé à l'intérieur, le processus de vieillissement ralentit de beaucoup. Vraiment? Redites-le encore. Si l'on n'accumule pas trop de passé à l'intérieur de sa psyché, en s'accrochant au passé, en s'identifiant au passé, et en puisant du passé son sentiment de soi, en parlant du passé, en pensant au passé, ce qui signifie porter le poids du passé, si l'on lâche prise sur ce passé et que l'on se concentre sur le moment présent, le processus de vieillissement, je le crois, et je l'ai constaté chez des gens qui sont présents, le processus de vieillissement du corps ralentit vraiment de façon considérable. Wow. Donc 6-0. Votre corps a 60 ans. Oui, vous ne le faites pas. Vous ne faites rien comme teindre vos cheveux, par exemple. Pas de Botox. Ok, oui. Ne serions-nous pas un peu déçus d'apprendre qu'Eckhart, monsieur sans ego, est botoxé? C'est quoi ça? Le Botox? Peu importe. C'est trop difficile à expliquer ce qu'est le Botox. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux même pas l'expliquer. Maintenant, rejoignons Denise qui nous Skype de chez elle à Seattle, dans l'état de Washington. Denise a une question que beaucoup de téléspectateurs ont posée également. Allez-y, Denise. Hello, Oprah. Hello, Eckhart. Quand je vais me coucher et que je me sens éveillée et consciente, pourquoi donc fais-je encore des cauchemars et ai-je un ego encore quand je dors? Bonne question. Il y a des rêves qui relèvent d'un processus impliquant les choses qui n'ont pas été confrontées complètement pendant la journée. Toutes sortes de rêves sont donc des rêves d'intégration. Il y a d'autres rêves qui font remonter diverses énergies. Le corps de souffrance peut se manifester dans un rêve. L'ego peut se retrouver dans un rêve parce que, normalement, dans les rêves, on n'est pas conscient que l'on rêve. Dans des circonstances exceptionnelles, vous pouvez être conscient. Je ne sais pas s'il vous arrive d'être consciente quand vous rêvez. Qu'en est-il? Je ne m'en souviens pas. Non, probablement pas. Il est tout à fait possible que le corps de souffrance se manifeste parfois dans un rêve et le personnage qui se présente est très probablement un aspect de votre ego. Dans vos rêves, vous êtes bien sûr complètement identifié à ce qui s'y découle et il y a généralement, d'où ma question, l'absence de l'espace conscient où vous savez que vous êtes seulement un personnage du rêve. Mais vous pouvez avoir cette conscience dans votre vie quotidienne. Et c'est justement tout ce dont il est question ici, vivre d'une manière telle que nous en ayons une dimension dans notre vie. À l'arrière-plan de votre vie, il y a toujours la présence consciente. De là, vous êtes consciente de ce que vous faites, de ce que dit votre mental, et dans les rêves, cela fait défaut. Vous n'avez pas ce niveau de conscience. À moins d'être conscient dans le rêve de rêver, je suis en train de rêver. Et je peux dire alors, je peux être dans un rêve et dire, oh, je rêve en ce moment. Et si c'est un rêve dans lequel je ne veux pas être, je vais dire, je vais sortir de là. Ça peut être sympa. Ou bien vous pouvez vous dire, dans le rêve auquel je suis en train de rêver, je peux tout faire. Oui, je peux tout faire. Je pense que je vais voler maintenant. Mais vous ne faites pas ça dans vos rêves, n'est-ce pas? Donc la question est de savoir si oui ou non vos rêves sont légaux, parce qu'ils ne le sont pas. N'avez-vous pas dit également dans le livre que parfois, quand nous rêvons, nous retournons à la source? Oui, je parle là du rêve, du sommeil sans rêve. Comme vous le savez, le sommeil comporte une phase de rêve dans laquelle vous allez par intermittence et il y a la phase de sommeil profond sans rêve. Oui, vous dites ça en page 282. Je l'ai lu plus tôt. Chaque nuit, sans le savoir, vous retournez vers la source non manifestée de toute vie lorsque vous plongez dans la phase profonde et sans rêve du sommeil pour vous réveiller le lendemain rafraîchi. Donc, vous êtes revenu ici à la source de l'énergie. Oui, oui. Ce que vous faites avant de dormir est vraiment important, disons les dernières 20 minutes environ. Vous ne regardez pas le journal télévisé, non? Non, je lis Nouvelle Terre. Okay. Je ressens que... C'est bien, mais même ça, je le mettrai de côté quelques minutes avant de vous endormir vraiment pour qu'il puisse y avoir en vous un espace sans mots. Et en fait, certaines paroles peuvent vous aider à contacter cet espace, mais vient ensuite le temps de poser le livre. La meilleure façon de s'endormir, la plus puissante, la plus utile, c'est de s'allonger sur le dos, bien à plat, les bras étendus. Vous portez alors votre attention sur le champ d'énergie intérieur du corps et vous ressentez sa vitalité des doigts, de pieds au sommet de la tête. Vous scannez quelquefois votre corps de toute votre attention en ressentant toute l'énergie du corps comme étant un seul champ d'énergie. Et c'est très beau de... Cela m'a beaucoup aidé. En fait, cela m'a aidé à mieux dormir depuis que vous en avez parlé il y a 3 semaines. Et je crois que ce qu'Eckhart souligne aussi ici pour vous, Denise, est qu'être plus présente à chaque moment de la journée avec tout ce que vous faites dans votre vie vous permettra de ne pas avoir à gérer dans vos rêves ce que vous n'avez pas géré dans la journée. Car les rêves sont souvent la manifestation de votre subconscient qui essaye de résoudre des choses que vous n'avez pas résolues complètement dans la journée. Et donc, encore une fois, la réponse est d'être présent avec tout ce qui arrive en gérant ce qui a besoin d'être géré dans le moment présent, de telle façon que ça ne revienne pas à vous plus tard dans vos rêves. Et je fais ça particulièrement, vous savez, je ne regarde pas la télévision, car je suis à la télévision, comme le cordonnier qui est le plus mal chaussé, mais s'il m'arrive d'être dans une pièce où la télévision est allumée avec des images particulièrement perturbatrices, au lieu de renier le fait d'avoir vu ces images, je vais littéralement les recevoir. Je vais accepter ce que j'ai vu et les gérer avec mon esprit de telle façon qu'elles ne reviennent pas m'effrayer ou me déranger plus tard dans un rêve. Donc j'essaye de gérer tout ce qui sera dérangeant au moment où ça arrive, de telle façon à ne pas avoir à le traiter plus tard. Oui, c'est très bien, oui. Oui, j'espère que cela vous aide. Merci. C'est bien de plein de bon sens, merci. Car oui, les rêves sont juste des choses non manifestées que vous n'avez pas gérées. Il peut arriver à l'occasion qu'on fasse des rêves plus profonds, ils se font plus rares, où l'on peut avoir un aperçu de quelque chose qu'on n'avait pas vu jusque-là, une prise de conscience soudaine ou certaines images avec une signification symbolique reliée à sa vie et qui nous disent donc quelque chose. Cela peut arriver de temps en temps. C'est beau quand cela se produit. Bien, voyons la troisième modalité. Nous avons parlé de l'acceptation. Si vous pouvez amener de l'acceptation, du plaisir ou de la joie ou l'enthousiasme, et l'enthousiasme dont nous a parlé Kipi de Tokyo tout à l'heure, est la modalité qui apporte la vibration la plus élevée pour s'éveiller. À chaque fois que vous êtes enthousiaste, il y a quelque chose de plus qui entre en jeu. Il y a la création d'un champ d'énergie qui est plus grand que vous. Oui, c'est particulièrement une énergie créatrice, une énergie qui crée quelque chose, qui apporte quelque chose dans ce monde. Je ne dirais pas qu'elle est nécessairement d'une fréquence plus élevée. C'est une fréquence plus puissante parce que c'est le mouvement d'extériorisation qui est cependant connecté à la source. Oui, et encore une fois, nous disons que c'est une sorte d'enthousiasme qui n'est pas juste un enthousiasme extérieur, mais de l'enthousiasme qui vient de la conscience. Nous ne parlons pas juste ici du fait d'aller supporter votre équipe en criant dans un match de football. Non, ça c'est de l'excitation. L'ego recherche parfois de tels états d'excitation comme produit de substitution à l'être. On n'est pas en contact avec l'être. L'ego recherche alors des compensations et l'excitation en est un exemple. L'excitation peut être recherchée à travers les médias, les films de violence ou toute autre chose. Il n'y a pas de frontière claire entre ces trois modalités. Parfois, l'acceptation se transforme soudainement en plaisir et le plaisir en enthousiasme. En enthousiasme, oui. Admettons que vous fassiez quelque chose qui vous déplaisait fortement jusque-là en réalisant tout d'un coup « Ok, il y a en moi du rejet et du déni, voyons si je peux simplement accepter d'avoir à faire cela dans l'instant. » Voilà, donc vous mettez de l'acceptation dans la chose et ce faisant, vous vous mettez vraiment à apprécier ce que vous faites, à avoir du plaisir. Oui, c'est absolument vrai. Cette chose dont je vous ai parlé, ce que j'ai eu à faire ce week-end, que j'ai d'abord rejeté, je me suis isolée dans mon bureau afin de changer mon attitude. J'ai décidé d'accepter et durant ce processus, je me suis dit, sois 100% présente et regarde ce qui se passe. Puissais-je simplement être une, et ça a été ma concentration, être 100% présente, et j'ai commencé à éprouver du plaisir. Nous skypons encore une fois avec le groupe d'études qui s'est rassemblé au Bodhitui, à l'ouest d'Hollywood. Bonsoir à tous. Bonsoir Oprah. Bonsoir à tous et Nick. Je vois que Nick est là. Ok, qui est au micro? Est-ce Tatiana? Hello Tatiana, a une question? Oui, j'en ai une qui concerne l'acceptation et Eckhart dit que l'acceptation semble être un état passif. Et j'ai un gros problème avec ça. Parfois, je ressens que j'accepte de plus en plus ce qui est dans ma vie. Mais des fois, je ressens qu'il me faut être proactive et que je dois faire quelque chose. Et en même temps, je sais que je dois avoir du recul et être consciente, être dans le moment présent, et cela crée encore plus de stress, du genre je n'y arrive pas, je le fais de travers et je me sens comme une perdante parfois. Je ressens que je n'y arrive pas. Comment puis-je me débarrasser de ça, de cette culpabilité de « tu devrais mieux le faire » ? Oh bien, c'est une autre question. C'est une question supplémentaire. Donc la première est... Ok, commençons par la première partie. Pour la première question, vous croyez, quand vous êtes dans l'acceptation, que vous n'agissez plus beaucoup, que vous ne pouvez plus agir de façon efficace. Est-ce ce que vous croyez? Absolument. Ça n'est pas le cas, c'est une perception erronée de ce qu'est l'acceptation, et c'est pourquoi nous l'avons mentionné, le fait d'amener de l'acceptation dans ce que l'on fait. L'acceptation n'est pas séparée du faire. Pour être complète, la véritable acceptation doit pénétrer le faire plutôt que de vous en couper et vous faire dire « Ok, il n'y a rien que je puisse faire ». Dans certaines situations, bien sûr, il n'y a rien que vous puissiez faire. En l'occurrence, vous acceptez simplement « Dans l'instant, je ne peux rien faire ». Il y a d'autres situations où vous pouvez faire quelque chose, où la situation requiert même que vous fassiez quelque chose. Si vous répondez vraiment à la situation dans le moment présent, elle peut demander que vous passiez à l'action, que vous fassiez quelque chose. Il y a alors quelque chose dont vous pouvez faire l'expérience avec le moment présent. Dès maintenant, c'est voir si vous pouvez amener ce champ d'énergie acceptation pour agir à partir de là, de sorte que les actions ne proviennent pas de la résistance intérieure, ni du manque. Ni du déni. Ni du déni, ni de la colère. Elles proviennent d'un état plus paisible et vous constatez combien vos actions peuvent être en réalité puissantes. Oui, comprenez-vous cela, Tatiana? Oui, je comprends. Que l'acceptation s'écoule dans le faire. Je crois que tous ceux qui ne comprennent pas pensent que l'acceptation signifie « je dis oui au moment présent et donc je dois vivre avec et ne rien faire ou être passif ». Il dit que vous devez, dans un des cours précédents, vous avez pris l'exemple du bus dans la boue. Les roues sont dans la boue. Oui, je suis enlisé dans la boue. Admettons que je me promène quelque part et que je me retrouve subitement embourbé jusqu'au genou. Vous êtes embourbé jusqu'au genou. Vous devez d'abord accepter d'être embourbé jusqu'au genou. Vous ne devez pas maudire le fait d'être embourbé jusqu'au genou. Vous ne pouvez surtout pas le nier. L'énergie que vous dépensez à ne pas vouloir être embourbé jusqu'au genou est de l'énergie gaspillée. Et ça vous enlise plus profondément si vous vous débattez. Cela vous enlise plus profondément. Vous devez accepter et laisser l'acceptation s'écouler jusqu'au moment où surgit la question « Que faire maintenant pour me sortir de la boue ?» Oui, et cette question « Que faire maintenant ?» émane d'un état d'attention vigilante. Et elle est d'une fréquence élevée. C'est un état de... Ça vous vient, c'est presque comme si vous écoutiez. Ce n'est pas une écoute de nature auditive, c'est juste une analogie. C'est un état d'attention vigilante. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et puis, ok, il y a un moment, un espace où vous ne savez pas, puis à partir de là, vous faites quelque chose. Le faire se manifeste spontanément, ou c'est une pensée qui vous vient en vous disant quoi faire. Et c'est d'un plus grand pouvoir. Au départ, vous pratiquez ça avec des petites choses, pratiquez avec des choses que vous n'aimez pas faire d'habitude, auxquelles vous résistez un peu, prenez des choses simples que vous pourriez ne pas aimer, aller au supermarché, prendre la voiture pour aller travailler ou n'importe quoi d'autre. En acceptant ce qui est. En acceptant ce qui est. C'est ce que l'acceptation signifie. J'accepte ce qui est en ce moment et maintenant, je vais décider de ce que je vais faire pour changer ce qui peut être changé. Mais je ne vais pas renier ce moment pour ce qu'il est ou souhaiter qu'il soit autrement. Et vous n'allez pas culpabiliser, Tatiana. Oui, maintenant, nous en venons à votre seconde question concernant votre mental qui vous dit que vous n'êtes pas assez bonne. Oui, ou comme je fais ça de travers. Oui, il n'y a rien qui ne soit pas bien. Vous savez maintenant que faire, et ne croyez pas votre mental qui vous dit « tu ne peux pas le faire, tu n'es pas assez bonne ». Ce sont des choses que le mental va souvent lancer, en particulier quand les gens essaient d'être présents ou d'être calmes, silencieux. Le mental dira « pas maintenant, j'ai trop de choses à l'esprit, j'ai trop de choses à penser, je ne peux pas le faire, pas maintenant, je réessaierai peut-être demain ». Oui, oui, ça m'arrive tout le temps. Le mental vous dira toujours pourquoi vous ne pouvez pas être présente maintenant. C'est juste que le mental n'aime pas la présence parce que la présence est la fin du mental. Tatiana et vous tous au Bauditruit, merci beaucoup. Nick, vous voyez la puissante influence que vous avez eue concernant vos inquiétudes avec vos factures. Sharon qui était dans sa chambre à pleurer car Nick s'inquiétait de ses factures. Incroyable. Merci beaucoup à tous au Bauditruit de vous rassembler et de nous écouter. Merci, nos amis du Bodhi. Merci beaucoup. Donc, pensez-vous que durant ces 10 semaines, nous avons évolué? Je sais que quelqu'un la semaine dernière a eu un problème avec le mot évolution, mais pensez-vous que durant ces semaines, cette communauté, notre nouvelle tribu de lecteurs, de nouvelles terres, nous avons évolué vers un niveau de conscience supérieur, une nouvelle façon d'être dans le monde? Oui, je crois. Oui, je crois que pour beaucoup de monde, il y a eu une ouverture de sorte que cette nouvelle dimension puisse entrer dans sa vie. Une fois que cette entrée dans sa vie, c'est sans retour. Cela peut être obscurci un temps si vous vous identifiez à nouveau au mental ou au corps de souffrance. Parce qu'il ne faut pas travailler dessus tout le temps. Ça aide, même si vous ne travaillez pas. C'est là quelque chose finit par arriver dans votre vie qui vous y reconnecte. Cela pourrait être une situation critique, mais je recommande de ne pas attendre cette situation critique dans votre vie qui vous force à redevenir présent et de choisir la présence dans votre quotidien aussi souvent que possible. De choisir le moment présent, de toujours vérifier à l'intérieur ce qu'est votre relation avec le moment présent. La question primordiale à se rappeler, quelle est ma relation avec ce moment? Est-elle amicale ou est-elle dysfonctionnelle? Et cela vous dit tout. Si elle est dysfonctionnelle, cela veut dire que votre futur manifestera cela. Si elle est amicale, ouverte et dans l'acceptation, le dit futur le manifestera. C'est aussi simple que cela. N'avez-vous jamais de problème, Eckhart? Avez-vous des problèmes? Non, je ne crée pas de problème. Des défis peuvent toujours se présenter. La vie vous défiera toujours d'une façon ou d'une autre, et c'est bien. Mais nul besoin de transformer les défis de la vie en problèmes en restant mentalement bloqué sur les choses s'il n'y a rien que nous puissions faire dans l'instant. Retourner les choses dans sa tête, c'est commencer à se faire du souci. Le souci est la fabrique de problèmes. C'est la fabrique mentale de problèmes. Je n'ai donc pas de problème, non, qu'il n'y ait pas de défi dans ma vie, peu importe le stade que vous atteignez dans la vie, il y a toujours des défis. La vie est ainsi conçue, le monde n'est pas là pour vous rendre conscient. Le monde n'est pas là pour vous rendre heureux, il est ici pour vous rendre conscient. Pour vous rendre conscient, oui, et quand vous amenez de la conscience dans votre vie, pour tous ceux qui étaient en conflit durant les semaines précédentes avec les croyances religieuses, quand vous amenez de la conscience dans votre vie, ce que vous dites en réalité est que vous permettez à l'esprit de cela qui est Dieu de s'écouler à travers vous et de devenir la force prééminente dans votre vie. N'est-ce pas cela que vous dites? Oui, oui. Le petit moi n'est plus. Ce n'est pas le petit moi. Vous vous connectez à la plus grande source, à la source de toute chose. Oui, et vous le laissez alors circuler en vous, et c'est là, par exemple, que la créativité se manifeste dans votre vie. La vraie créativité ne peut se manifester qu'en accueillant cette dimension dans votre vie. Ainsi, l'énergie de la source se manifeste à travers vous, et la créativité peut se révéler, ne serait-ce qu'avec une petite chose telle qu'une légère pensée créatrice ou une nouvelle façon de regarder les choses qui est une autre manifestation de créativité. Mais le plus important est de reconnaître que quand vous pouvez être conscient de la conscience, quand vous pouvez amener la présence de cela qui est la conscience ou l'esprit, d'un plus grand pouvoir ou les dieux dans votre vie, et que vous permettez à cela de diriger votre chemin, toutes les choses viennent à vous telles qu'elles devraient. Oui. Oui, c'est le flux, amener le flux, oui. Et c'est comme ça que vous dites, une nouvelle espèce est en train d'arriver sur la planète. C'est ce qui se passe maintenant. Et c'est de nous qu'il s'agit. Oui, c'est un énorme changement dans la conscience qui advient. C'est pourquoi j'utilise cette expression. C'est presque comme si nous nous transformions en une nouvelle espèce. Pour la première fois, une espèce consciente. C'est un peu comme si l'humanité commençait seulement maintenant à s'éveiller réellement. Oui. Acceptez-vous de partager avec le public pour terminer maintenant, juste avant de nous que nous commencions cette émission. J'ai remercié toutes les équipes qui ont rendu cela possible, les Oprah.com, toute l'équipe de Oprah.com qui a travaillé si dur durant les 10 dernières semaines, notre équipe du Book Club, les producteurs et tout le monde. Nous devons remercier tout le monde et Eckhart à cause de mon livre et l'état dans lequel il se trouve maintenant m'a donné une nouvelle copie de Nouvelle Terre reliée en cuir. Voulez-vous partager avec eux la dédicace que vous avez écrite dans mon livre ? J'ai écrit le petit poème que je cite également au chapitre 10 du poète persan Hafiz et qui dit « Je suis un trou dans une flûte par lequel passe le souffle du Christ. Écoutez cette musique. » C'est le poème. Je suis un trou dans une flûte. Je ne suis pas la flûte. Je suis un trou dans une flûte par lequel passe le souffle du Christ, le souffle de Dieu. Écoutez cette musique. J'ai donc écrit ce petit poème et j'ai dit à Oprah qu'elle était un magnifique trou par lequel passe l'énergie et que le monde écoutait cette musique. Merci de me permettre de faire cela. Merci. Avec cette magnifique œuvre que vous nous avez donnée, avec vos paroles, évidemment, vous étiez aussi le trou à travers lequel le souffle du Christ, le souffle de Dieu, le souffle de toute énergie et de la création s'est écoulé pour que vous écriviez cela. Je veux dire, je l'ai relu encore et encore. Maintenant, pour la quatrième fois, je suis émerveillée de la façon dont vous avez été capable d'exprimer tout cela afin de pouvoir tous nous connecter ensemble tout autour du monde. Merci pour cette expérience. Merci. Mais bien sûr, tout le monde est également cela en essence. Vous êtes l'ouverture qui permet à cette dimension d'arriver dans le monde. C'est vrai. Et tout ce que nous faisons qui est créatif, qui réussit ou qui est bon vient de cette source qui s'écoule à travers nous. Ce n'est pas nous qui opérons, mais c'est la conscience qui opère en nous. Donc, je veux tous vous remercier d'avoir fait partie de ce magnifique voyage. Cela fait partie, je le sais, de la raison d'être de ma vie, d'être capable d'être l'espace à travers lequel tout cela s'écoule. Donc, je veux vous remercier particulièrement, ainsi que Kim, d'être venu à Chicago durant ces 10 semaines, chaque semaine, afin de partager une nouvelle terre avec nous tous. Comme je l'ai dit plus tôt, je vous encourage vraiment tous à faire de ce livre votre livre de relecture de l'été. Et si vous l'avez apprécié, vous devriez le partager. Il n'y a pas de plus beau cadeau que de le partager. C'est pourquoi je voulais le partager avec vous tous. Il n'y a pas de plus grand cadeau que de le partager avec quelqu'un que vous aimez pour que sa vie s'éveille et soit transformée par les mots qui vous indiquent la direction de l'expérience de l'éveil. Donc, vous pouvez tous commencer à revoir nos émissions cet été, s'il vous plaît. Rejoignez-moi lundi prochain, le 12 mai, pour le démarrage de ma série d'émissions, The Soul Series, puisque tellement de gens ont dit que que faisons-nous maintenant ici à Oprah.com? Il y aura l'interview que j'ai fait avec le docteur Gilbert Taylor. C'est un scientifique spécialiste du cerveau qui a eu une attaque cérébrale dramatique et expérimenté ce dont nous avons parlé dans nos émissions sur Nouvelle Terre. Vous retrouverez donc durant l'été les interviews de penseurs ou d'autres spirituels venant de tous tout milieu, donc j'espère que vous réserverez le lundi à Oprah.com. L'émission de ce soir sera disponible gratuitement ici à Oprah.com et bien sûr sur iTunes. Qu'allons-nous faire lundi prochain? Un autre moyen pour continuer de se connecter à l'énergie pourrait être de relire ce livre, bien sûr, pas nécessairement du début, mais en lisant des passages après que vous l'ayez lu. Tous les endroits que vous avez soulignés, oui. Oui, il y a aussi beaucoup de... J'ai donné des retraites et des causeries et l'on peut s'en procurer via mon site web. Écouter simplement une causerie de 2 ou 3 heures peut vous ramener au contact, en contact avec la présence. C'est vrai. Et vous pouvez toujours télécharger l'émission. Et nous serons de retour en automne. Nous ne savons pas ce que nous ferons. Nous ne savons pas, c'est juste le début. Donc merci à tous et encore une fois, comme disait Gandhi, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Oui. Merci. Merci.